Asharu. Ah, je dis Adini. Ouais. Asharu Ghorfatou. Ghorfatou, Taïb, après. Ah, il manque quelque chose. Sagiratin. Parce qu'il faut du mandat affilé après. Hein? هذه غرفة on dirait quoi أصغر غرفة في بيتنا t'as dit غرفة non pas entendu non pas في غرفة أصغر غرفة في بيتنا tout le monde a entendu l'exercice là hein t'as répète le à voix haute هذه غرفة أصغر غرفة في بيتنا au suivant. Moi je lis, après vous le faites dire Bilal, Unjarun, Hassanun. Après, c'est à qui là de le dire? C'est à lui? Je n'ai pas entendu, quand est-ce que c'est à lui? Plus tard, je parle avec lui. Ah, t'as eu. Bilal ou Hassanun. Jarun. Même un modafilé. Jarun, un modafilé, Mohamed. Jarun. Non. Modafilé, c'est quoi modafilé? C'est la contenance. Taïb, qu'est-ce qu'il y a le modafilé, il a quoi comme terminaison? Une kasra. Taïb, il est majrour, on dira. Bilalun, ahsanu jarin fi hayina. Même un hayina, qui c'est? Hein? Quartier. Taïb, au suivant. Bilalun, ahsanu jarin fi hayina. À voix haute, les frères. Hein? Comment? Taïb, au suivant, j'ai dit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Naam, Yassirun Afkaru Rajulin fi qaryatina. Ahsan. Regarde bien, t'es obligé d'enlever le lien. Hadihi Là, là, Arkhas, on a dit quoi? Moudakar. Frère, faut pas rire. Hein. Non, c'est vrai. بارك الله فيكم عفوا يا عثمان مش با انتجي هذه ارخص ساعه في السوق très bien ما شاء الله هذه ارخص ساعه في السوق tous les mots qu'on lit là vous les comprenez inchallah طيب inchallah تفضل جار c'est le voisin hein, n'hésitez pas les frères الله يبارك فيكم au suivant. Comment? Faudal. Là, t'es obligé de ramener quelque chose avant. Si tu veux comparer. هذا أسهل الدرس في الكتاب. نعم. هذا أسهل الدرس في الكتاب. بارك الله فيك. Suivant. دكتور زكريا طبيب شهير. ما شاء الله سبيا. ما معنى هذه الجملة يا محمد؟ دكتور زكريا طبيب شهير. avec le اسم تفضيل. دكتور زكريا c'est le docteur le plus connu. Très bien, ما شاء الله. شهير c'est à dire célèbre, connu. مفهوم؟ au suivant. الأزهر جامعة قديمة. الأزهر أقدم جامعة في العالم. Très bien, mashallah. Al-Azhar, c'est ce qu'elle est en Égypte. Hein? Taïb. Salam. Très bien. Très bien, mashallah. C'est bien. Le suivant. Naam. Fil kitab. ذلك أصعب درس في الكتاب. هذا فصل واسع. هذا أوسع فصل في الكلية. نعم هذا أوسع فصل في الكلية. طيب إن شاء الله. هل كان كيسيون par rapport au اسم تفضيل؟ نعم. دائماً على عزمي أفعله. إيه نعم. c'est le posé. نعم. c'est toujours sous cette forme là. Afalou, il a qu'un mudakar, mufrad. Le frère a posé une bonne question. Hein, le peser, la forme de Ism Tafdil, Afal. Me faut Taïb, Inch'Allah. Vous mettez Afalou toujours pour le Ism Tafdil. Mudakar, mufrad. Taïb. Et au féminin, vous le verrez plus tard, Inch'Allah.